as-tu connu un autre? Ça c'est un bon coach. Elle a cassé sa jambe de bois sur le péristyle de Saint-Éloi. As-tu connu Manoche? Ça c'est un bon coach. Elle a cassé sa jambe de bois sur le péristyle de Saint-Éloi. Monsieur, il fait un reportage sur les champs. Ah, ben on a envie d'aller pas dans les champs. Hein. Non, je sais. C'est la chorale. Moi, je connais, j'ai les codes. Hein. Monsieur, il dit qu'il fait un reportage sur les champs. On n'est pas dans les champs, on a envie. C'était la chorale de Saint-Paul. Hier, il était en basse. Il était en basse. Ah. Donc, on a bien envie. C'est lui qui est dans les champs. Il n'y a pas de chanson. Oui, j'ai marqué, il y a les tournelles, percussion, pendant qu'il joue ça, on marche. Voilà. Et après quand il y a les. Voilà. La fanfare, voilà.